Les artistes en résidence. Bonjour Jean-Christophe Meurice. Bonjour. Vous allez nous parler du spectacle Les Armoires Normandes, proposé, créé par la compagnie Les Chiens de Navarre, que vous connaissez bien. Vous la dirigez, vous êtes metteur en scène. Oui, c'est ça, depuis 10 ans maintenant. Enfin, ça fait une dizaine d'années que notre bande a été créée, entre guillemets. Je préfère parler plus de bande que collectif, parce que je parle plus de création collective, c'est-à-dire que l'acteur n'est pas en position d'interprète, mais il est en position d'écrire lui-même ses propres dialogues, donc il est auteur, quoi. Donc c'est pour ça qu'on parle de création collective, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Alors, j'ai lu dans la presse qu'en parlant des chiens de Navarre, on parle même des facétieux chiens de Navarre, roi de la provoque, champion de l'impro et du mauvais goût, une féroce liberté de ton et une insolence collective, spectacle irrévérencieux. Je serais tenté de dire que vous êtes dans l'esprit de Charlie Hebdo. Oui, on sait bien que le rire n'est pas qu'une chose légère. Évidemment qu'il y a un cousinage, parce que c'est Charlie Hebdo, c'est le vrai rire, c'est le rire intelligent, c'est le rire fort, c'est le rire de la résistance, c'est le rire coup de poing, entre guillemets. Donc oui, il y a quelque chose comme ça. Enfin, évidemment, toute modestie gardée quand même. Il y a un cousinage, parce qu'on raconte sur scène des choses tristes, mais avec le rire. Mais on raconte des choses tristes quand même. C'est pour ça qu'il y a rire et rire quand même. En effet, Les Armoires Normandes, c'est une nouvelle exploration caustique sur les états d'âme amoureux, sur les misères affectives de notre société. Oui, misère et gloire affective et sexuelle de notre société. Effectivement, je dis souvent qu'on raconte les gens de notre époque. Parce que évidemment, les acteurs qui sont sur scène, ce sont eux-mêmes. Donc ils se racontent dans des situations. Donc là, ils se racontent à travers leur gloire et leur déboire affective, amoureuse. Donc et à travers eux, on essaye de raconter nous-mêmes. On essaye d'être un phare de notre société. Donc c'est pour ça que Chien Navarre, c'est une compagnie des gens de notre époque. J'aime bien dire ça, parce que c'est vraiment des gens de notre époque où on peut s'identifier avec toutes nos maladresses, sans jugement, avec toutes nos maladresses et en même temps notre lyrisme, notre gloire, enfin je sais pas, notre beauté d'une certaine manière. Mais oui, Les Armoires Normandes, on est sur cette thématique de l'amour en général. L'amour existe, comme le premier court-métrage de Maurice Pialat. Donc c'est le postulat de base, c'est le point d'interrogation. Et on est parti sur presque une épopée, c'est-à-dire qu'on part comme une fresque, c'est-à-dire de la naissance de l'amour entre deux personnes jusqu'à son immortalité. Comment survivre sans l'autre? Oui. Donc ça passe par différentes étapes. Voilà, différents stades. Entre la naissance de l'amour et son immortalité, vous vous rendez bien compte qu'il y a tout un monde, et on l'a tous traversé ça de manière différente. Et on sait, oui, on s'est donné le pari d'essayer de raconter ça à travers nous. Voilà. Donc à travers effectivement des improvisations, à travers toujours évidemment de l'idiotie, à travers des choses peut-être aussi plus sensibles. Voilà, en ce moment, on est en plein dedans, on est à 15 jours de la première, on est en plein dedans. Une citation est indiquée en ouverture de votre dossier de presse pour cette pièce, à la manière d'une bande-annonce. Le sexe fait partie de la nature, j'obéis à la nature. Une citation que l'on doit à Marilyn Monroe. Oui, on sait bien que, comment dire, le désir sexuel participe au sentiment amoureux quand même. Donc, après, on a le droit de dire que je dis une connerie, hein, mais il n'y a pas d'amour sans plaisir sexuel quand même. Donc, ça fait partie de, comment dire, de l'union de deux êtres, et ça fait partie aussi de la séparation de deux êtres. Je pense que, en règle générale, sans avoir de jugement hâtif comme ça, mais on sait très bien que quand ça va plus entre deux personnes, c'est que ça va plus non plus physiquement. Les Armoires Normandes s'inscrivent dans la continuité de votre précédente création qui a été présentée d'ailleurs l'an dernier à l'apostrophe, oui. Quand je pense qu'on va vieillir ensemble. Oui. La continuité, oui. Tous nos spectacles sont dans la continuité. Donc, mais peut-être qu'on continue à régler le focus sur une misère encore et une gloire, c'est-à-dire qu'on était sur des misères sociales. Quand je pense qu'on va vivre ensemble. Et là, on est encore sur une misère et une gloire intime, on est sur quelque chose de plus intime, qui est le rapport amoureux, oui. Donc oui, il y a une continuité, il y a quelque chose qui peut être de l'ordre du diptyque, mais bon, je me permets de dire que depuis notre premier spectacle en 2005, il y a toujours eu une continuité, toujours, puisqu'on est libre de toute façon de nos œuvres, entre guillemets, puisqu'on ne monte pas un auteur. Évidemment, on se nourrit, on n'est pas les mêmes à 30 ans qu'on est aujourd'hui à 40. Donc on se nourrit au fur et à mesure, de nos désirs, de nos colères, de nos envies. Mais comme on n'est pas, enfin, je touche du bois, on n'est pas schizophrène, on est juste de bons névrosés. Il y a une évolution. On reste les mêmes, mais avec des désirs différents selon l'âge. On n'a pas les mêmes désirs à 40 qu'à 30, encore moins à 20. Donc oui, il y a de la continuité. Avec ce spectacle, vous nous proposez de multiples portraits décalés, fantasmagoriques. Combien d'acteurs sur scène ? 10, 11, et même peut-être 12, on ne sait pas encore. On improvise jusqu'au bout. Avec une idée force, effectivement, peut-être une particularité de votre troupe, je ne sais pas, de votre bande, ouais. Il s'agit d'une création collective où ouais. Le metteur en scène n'est pas plus important que l'acteur. Ah oui, c'est l'acteur et roi chez Chien de Navarre. Moi, j'aime beaucoup les acteurs. Hein. Quand je vais au théâtre, moi, je ne suis pas un grand fan des belles scénographies, des belles idées même, j'ai envie de dire, et des belles lumières. Mais j'aime l'acteur. Moi, j'aime voir ce qui vit. Donc, ce qui vit sur un plateau, c'est un acteur. Donc, effectivement, c'est le règne de l'acteur. Dans le théâtre des Chiens de Navarre, c'est le théâtre de l'acteur. Quoi. Et donc, moi, je suis un chef d'orchestre de tous ces acteurs-là. Donc, j'arrive pas avec ma toute puissance dramaturgique et de mes idées sur un texte, ou même pas sur un texte, ou sur une scénographie. Donc, j'ose dire que c'est le règne de l'acteur, oui. À tel point que les acteurs sont aussi à l'origine de l'écriture. Vous passez d'auteur. Oui, ils sont auteurs. Les acteurs sont auteurs eux-mêmes de leur propre texte. Ils improvisent, on improvise en représentation. Moi, j'amène des situations, des cadres, des thématiques, tout ce que vous voulez. Et après, ils improvisent en répétition et ils continuent d'improviser aussi en représentation. Et moi, je suis j'essaye d'être le chef d'orchestre de tous ces solistes-là. C'est un peu comme un jazz band, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont tous des solistes, mais à un moment, pour faire un morceau, il faut qu'ils se réunissent. Et moi, je suis le chef d'orchestre de ça. J'essaye de dompter finalement la domptable, parce que l'improvisation fait un domptable. Mais au moins, ça crée de la vie, du vivant, de l'intranquillité, de l'accident. Et donc, forme de plaisir en tant que spectateur. J'espère encore pour les Armands normands. Les Chiens de Navarre, une compagnie qui va être en résidence avec l'apostrophe, la scène nationale de Sergi Pontoise. Ah, mais qui va pas être, qui est. Qui est, pardon. Voilà. Qui est pour avec Jean-Joël, le chaplain. On est dans une résidence d'artistes pour 2-3 années, 2-3 saisons. Voilà, c'est un partenariat dont on est très fier et très heureux parce que Jean-Joël nous suit depuis le tout début. Et donc, quand il est venu vers nous, tout de suite, mais après, c'était pour un vrai projet. Et c'était la première fois qu'on nous proposait d'être un partenaire artistique à un lieu, être associé à un lieu. Donc on est très très content d'avoir l'apostrophe en tant que partenaire. En plus, c'est jamais évident avec ce qu'on propose, parce qu'on a un geste qui est peut-être singulier, particulier, qui ne rentre pas dans des cases. Donc on est toujours très touché quand un directeur de lieu prend vraiment position pour un travail qui on espère continuera à être populaire. Très bien. Eh bien, Jean-Christophe Meurice, on aura l'occasion de vous recroiser à l'apostrophe. Les Armoires Normandes, c'est à découvrir sur la scène de l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise le mercredi 11 février à 20h30, ainsi que le jeudi 12 février à 19h30. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à vous. Spectacle donc qui vous propose également une rencontre avec l'équipe artistique à l'issue de la représentation du jeudi 12 février 2015, ainsi qu'un atelier théâtre, car ce collectif Les Chiens de Navarre se trouve en résidence à l'apostrophe, avec donc un atelier théâtre animé par le collectif le samedi 14 février de 14h à 17h, toujours à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise. Présentation de cet atelier théâtre animé par le collectif par Elsa Jourdain. Oui, tout à fait. Nous vous invitons en fait à venir découvrir l'univers atypique des Chiens de Navarre, non seulement par le voir et la confrontation à l'œuvre au plateau, mais également par le faire, par le corps, par le biais d'une pratique théâtrale. C'est pourquoi nous vous proposons cet atelier théâtre le samedi 14 février de 14h à 17h dans la salle de répétition du théâtre des Louvrais. Donc cet atelier sera mené par deux comédiens du collectif qui joue évidemment dans les armoires normandes. Donc c'est un atelier ouvert à tous où pendant 3 heures vous allez inventer, improviser autour des thématiques du spectacle telles que la question du désir, du couple, mais aussi des relations humaines dans la vie quotidienne, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales. Les deux comédiens vous donneront des indications de jeu, de mise en situation, à partir desquelles vous proposerez des improvisations. L'idée étant de traverser les mêmes étapes qu'eux-mêmes traversent quand ils travaillent sur la création d'un spectacle. Vous allez voilà, réellement être mis en situation de création, les comédiens étant eux-mêmes les auteurs de la pièce. Merci Elsa Jourdain, attachée aux relations publiques à l'apostrophe.